Qui que vous soyez, quel que soit l'endroit où vous nous écoutez, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Gamecast, la version remasterisée. Dans la première émission, l'ancien présentateur, le bien nommé Ryodoka, était à mes côtés pour que je puisse me présenter à vous, ou du moins mon passé de joueur, et me passer les clés de Gamecast. Pour ce deuxième opus remasterisé, notre ami est de retour. Salut Ryodoka. Salut, salut, et bonsoir à tous, ou bonjour à tous. Voilà, c'est dit, c'est fait. Donc, comme je disais, pour ce deuxième épisode, tu vas donc nous parler de ton passé de joueur à ton tour et de tes jeux vidéo qui t'ont marqué. Vas-y. Bah moi, ça a commencé forcément avec la Master System 2, hein, comme toi. Pour pas changer, j'avais économisé des sous pendant je ne sais pas combien de temps pour me l'acheter. Enfin, pour m'acheter une console. À la base, j'avais en vue la NES et du coup j'ai mon cousin qui me dit mais non achète la Master System, tu verras, c'est mieux Sega. Au final, achat que j'ai regretté puisque j'étais vraiment plutôt Nintendo, mais j'ai quand même joué à quelques jeux qui m'ont vraiment plu sur cette console, hein, comme Alex Kidd, hein, le bien nommé difficile Alex Kidd. On en a parlé bizarrement. Ouais, bizarrement. Et Castle of Illusion avec les fesses de Mickey qui éclataient les méchants. Je me souviens de ses fesses. Ouais, parce qu'il sautait avec ses fesses. De ses oreilles. Il fallait appuyer sur le bas pour que il te l'attaque avec ses fesses, sinon tu te faisais mal. Du coup. Donc c'était une gymnastique assez intéressante. Et puis le Astérix, où on pouvait jouer avec Astérix et Obélix. Donc ça, c'est vraiment les trois jeux qui m'ont marqué sur la console. Petite question, t'as vu que tu dis que t'étais Nintendo, t'as pu réussir à jouer avec la NES après ? Ouais, chez un autre cousin. Voilà. Lui, il est mieux que l'autre, disons. Voilà. Et là, il y a eu quelques jeux, bien sûr, qui m'ont touché plus. Hein. Bon, forcément, il y avait le Mario et le Zelda, mais il y avait aussi un jeu avec un petit sorcier en 3D isométrique. Enfin, c'était de la fausse 3D, c'était de la 2D, mais l'idée... je ne me rappelle plus le nom. Je vois lequel tu veux. Il y a eu un remake derrière. C'était assez dur, mais j'adorais ce jeu. Et puis forcément, Kirby. Limo, je crois, non ? Oh, je sais. Limo. Ah, enfin, et le Kirby, quoi. Le Kirby, pour moi, ça reste le jeu ultime de la NES, en fait. Ah ouais, carrément. Je suis dingue de ce jeu. Après, il a de bonne musique, n'empêche. Ah oui, non, mais voilà, le ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da franchement, il avait pas à rougir, quoi. Vu qu'il était déjà rose. Oui, voilà. Et puis, après, ça a été la Super NES. Alors, la Super NES, j'en avais pas, en fait, mais je jouais chez mon voisin du dessous et tout le temps. Donc, du coup, j'ai joué sur Secret of Mana, qui reste un de mes meilleurs jeux pour moi. Secret of Evermore, Illusion of Time, Legend of Zelda, DBZ, Mario Kart, avec le mode 7 qui a été utilisé aussi dans Secret of Mana, Evermore, Illusion of Time. Voilà, donc ça c'est vraiment les jeux standards en finale de la NES. Une petite question vite fait, parce que je pense que tout le monde ne connaît, enfin du moins ne connaît plus le mode 7. Qu'est-ce donc, avant de passer à autre chose? Ah, le mode 7, oui. Alors le mode 7, en fait, c'était deux plans 2D, c'est-à-dire qu'en fait on avait le personnage en face et il faisait... Et en fin de compte, c'est le, il y avait un dessin, donc une version 2D qui se déplaçait en dessous du personnage, et c'était ça qu'on bougeait en fait, et pas le personnage qui était au dessus. Ça faisait une illusion de 3D, donc. Voilà, ça faisait une illusion de 3D, quoi. Les débuts de la 3D. De toute façon, c'était avec, c'était avec la SNES qu'on a eu la première 3D avec. Si je me trompe, enfin, du moins avec, pour le mode 7, excuse-moi, c'était avec F-Zero, je crois, non? Le premier à le faire. Non, le premier c'était Mario Kart. C'était Mario Kart. Et après on a eu Star Fox. Voilà, donc, qui a été la 3D. Première 3D. La première vraie 3D. Sur console. Voilà. Et la cartouche du coup avait une mémoire supplémentaire pour pouvoir y jouer, etc. Après j'ai eu une longue période PC. Et on va dire, il y a quelques jeux qui sont sortis de cette période. Zork Grand Inquisiteur. Voilà, qui est une sorte de point and click, très très drôle, avec des acteurs. Moi, j'aimais bien quand il y avait les acteurs qui jouaient, etc. dedans. C'est, enfin, voilà, c'était, voilà. Mais bon, mais c'est une vraie lanterne. J'ai eu l'impression, enfin, j'ai eu la même dans Perdu dans le labyrinthe numéro 6. Voilà, il y avait des phrases vraiment c'était top, quoi. J'ai adoré ce jeu. Je l'ai refait je ne sais combien de fois. Maintenant, je crois que je peux le finir en 1h30. tellement je le connais par cœur, ce jeu. Mais je l'adore. Voilà, je m'amuse Zork. À chaque fois. Voilà. Zork, alors qu'en fait, Zork Nemesis, oui. qui est sorti, je crois, avant, est extrêmement dur. Je n'ai pris aucun plaisir à le faire. Alors que Zork Grand Inquisiteur, au moins, c'était drôle. Voilà, il y avait de l'humour. Il y avait de l'humour. Forcément, il y a eu le Elder Scrolls 3, hein, Morrowind, que j'ai adoré. Hein, avec que j'ai jamais pu faire. Avec tous ces cheat codes. C'était un truc de fou. Tu pouvais voler, tu pouvais... voilà. Les Diablo 1 et 2 que j'ai adoré, surtout le 2 avec le druide et puis le nécromante que j'adorais. Et Dune 2, qui a eu aussi une version PlayStation en Dune 2000, beaucoup plus propre, hein, puisque voilà, sur PlayStation 2, il y avait plus les capacités. Quand Dune 2 est sorti, c'était je crois que c'était le Windows 3.5, je ne sais plus comment on l'appelait. Mm-hmm. Il fallait lancer Windows à partir du DOS pour pouvoir y jouer. Et c'était sur deux disquettes, le jeu. Et je me souviens, les soldats, c'était deux rangées de pixels. C'était voilà. Et quand ils marchaient, en fait, il y avait un pixel qui disparaissait, et ainsi de suite. Mais j'adorais ce jeu parce que bah pareil, il y avait des acteurs et tout. Ouais, il y avait l'histoire était prenante et puis tu pouvais jouer les Atreides, les Ordos ou les Harkonnens. Et ça, c'était top, quoi. Je trouvais ça, c'était vraiment bien d'avoir ces trois manières de jouer, même si tu voyais vraiment la différence que vers la fin avec les derniers tanks. Mmh. T'avais vraiment ces trois façons de jouer qui étaient vraiment géniales. Et par contre, un petit défaut qu'il y a eu dans le 2000 par rapport au 2 pour moi, c'est quand tu utilisais les tanks Atreides qui envoyaient des ondes sonores, dans le 2, en fait, ils ne pouvaient pas se toucher entre eux. D'accord. Donc du coup, tu pouvais envoyer une armada de tanks Sonic. Blah, ça bousillait tout, et le Sonic il passait à travers les murs, donc il bousillait tout sur son chemin. Et du coup, quand t'envoyais une armada, c'était cool. À partir du 2000, ils ont dû penser que c'était un peu trop cheaté. Et bah, ça bousillait aussi des tanks de devant. Du coup, c'était un peu moins bien, quoi. Ça, c'est un petit peu pour ma période PC. Voilà, c'est vraiment. Ça va, tu la regrettes pas trop? Non, j'avoue qu'il y a beaucoup de jeux que je me suis refait. Bon, Morrowind, je l'ai refait deux fois, ça m'a suffi, en fait. Une fois que j'ai compris les trucs, comment avoir une grosse armure dès le départ, etc., etc. Aller buter les vendeurs sans se faire voir, etc. Enfin bref, quand j'ai commencé, comment il s'appelle, Skyrim, hein, première chose que j'ai fait, c'est embaucher la guerrière et aller l'envoyer dans les bois pour la buter dans l'eau pour récupérer son armure de plate. Il y a des réflexes qui restent comme ça. <c'est>... N'empêche que j'avais une armure hyper badass dès le départ. après, j'ai acheté... J'ai une petite erreur là du coup, mais après j'ai racheté une Saturn à un collègue. Et du coup, ben il y a trois jeux, dont un que tu vas deviner tout de suite. Hein, et Guardian Heroes, forcément. Non, voilà. Le Dragon Ball Z, du coup, qui partait dans tous les sens, que j'adorais et que j'étais incroyablement bon. Je ne savais pas pourquoi, mais j'étais bon. Parce qu'il fallait bourriner et que ça passait. Et que ça passait, ça passe. Et Panzer Dragon, forcément. Je ne l'ai pas gardé longtemps, la Saturn, puisqu'elle a eu un souci de mémoire et j'ai dû la jeter. J'étais triste. Et quelques temps plus tard, bien longtemps plus tard, en fait, je me suis acheté une Nintendo 64. Et donc, du coup, forcément, Zelda Ocarina of Time et Majora's Mask qui m'ont vraiment marqué, hein, forcément, et GoldenEye. Ah merde, c'est vrai. Golden Eyes qui était vraiment sympa et j'aimais bien jouer en fait parce que t'avais des méthodes pour réussir à buter tes potes tout en tournant autour d'eux et tout. Enfin bref, c'était très très drôle. Par contre, le problème c'est que quand tu réapparaissais tout le temps au même endroit, quand tu jouais en multijoueur, il y en avait qui campaient devant l'endroit où t'allais réapparaître pour te buter et ça c'était pas cool. C'était un grand grand jeu multijoueur. Je connais, enfin, tous les gens qui ont eu la 64 en parlent obligatoirement. Ça, oui, voilà, c'est obligatoire. Bon, on pouvait jouer jusqu'à 4, il me semble. Oui. Ouais. Et après, ben, ça a été la PlayStation, forcément, avec les Final Fantasy 6, 7, 8 et 9. Une petite préférence pour le 6 et le 9, personnellement, même si c'est le 8 que j'ai fait en premier, au final. Sans jeu, mauvais jeu de mots. Après, Grandia. Grandia, j'ai adoré Grandia. Les Lunars, voilà, que forcément j'ai adoré. Il y en a eu combien déjà ? Il y en a eu deux, je crois, sur PlayStation. Deux sur PlayStation. Enfin, du coup, moi j'en ai joué à deux. Il y avait Silver Star et je ne sais plus l'autre. Soul Edge. Et Oddworld. Oui, exact, ça existe aussi. Oddworld, j'avais adoré. Une reprise il y a dernièrement, il y a deux ans je pense. Oui, il y a eu ils ont ressorti un remake quand même, beaucoup plus propre et franchement identique au niveau du gameplay, donc très agréable à jouer ou pas. Parce que des fois tu te prends la tête des fois, surtout dans les courses en fait, faut pas t'arrêter. Tu fais non, ça c'était une horreur. Surtout qu'en fait j'avais moi dans la version remasterisée, j'ai eu un bug et après avoir fait toute la course, ça n'a pas sauvegardé. Et quand j'ai éteint la console, pensant que ça avait sauvegardé, voilà, parce que j'avais fait la manip pour sauvegarder, la sauvegarde n'a pas marché et du coup j'ai dû recommencer la course et j'ai fait ouais bah c'est bon, un autre jour. Voilà. Au moins le jeu a duré plus longtemps. Oui voilà. Voilà, durée de vie. Ensuite bah forcément on va passer par la Dreamcast à un moment donné, hein. Vas-y. Avec Soul Weaver que j'ai adoré. J'adorais cette histoire en fait d'anges devenus des vampires et voilà, je trouvais ça excellent. Sachant que j'avais joué au jeu avant, mais sur PC, mais je me rappelle plus du tout le titre. Avec Kane. C'est Kane, ouais, c'est pas Legacy of Kane. Non, c'était le suivant. Legacy of Kane, c'était celui qui suivait. Ouais, j'ai trouvé un peu moins bien. Je sais plus. Je suis désolé, je peux pas t'aider sur ce coup-là. Après, ben forcément, comme il y a eu Soul Edge sur PlayStation, et ben il a bien fallu avoir Soul Calibur. Obligatoirement. On t'a forcé. On m'a forcé, voilà. Et à Sonic Adventure parce que c'est indétrônable, j'ai presque envie de dire. Et Macross M3, qui était un jeu japonais sur Macross et que je n'ai retrouvé la maniabilité que quelques années plus tard. Et pour moi, restant le meilleur jeu Macross à ce moment-là. Je crois que je l'ai fait aussi. Il n'y avait pas le vaisseau du Macross Plus dedans aussi ? Je ne sais plus. Ça fait un peu trop longtemps pour moi, en fait. Bon, c'est pas grave. Je me rappelle juste du gameplay. Voilà, c'était génial. Il était très bien, si c'est celui. Si on est d'accord sur le jeu, je crois que vraiment, j'ai un très bon souvenir de celui-là aussi. Très bon jeu. Après, pendant un petit temps, j'ai eu une Xbox qui est restée le temps d'un jeu. En fait, juste le temps d'un jeu. Et ce jeu, c'était Fable. Bon, Fable, la possibilité d'être méchant ou gentil, enfin, c'était juste génial. Pour moi, c'était la révélation. J'ai dit, ça, c'est exactement le genre de jeu. J'avais l'impression de jouer à un Zelda, tout en ayant la possibilité d'être un véritable salopard. Voilà. Ah, mais c'est tout à fait ça, avec de l'humour. Voilà. L'humour à l'anglais. Enfin, du moins. L'humour à l'anglaise, ouais. Franchement, adoré. Voilà, j'ai adoré ce jeu. Malheureusement, la Xbox avait des petits soucis, donc au bout d'un moment, je l'ai revendu et puis j'ai racheté la console qui est pour moi la meilleure console que j'ai jamais eue, clairement. Au-delà de la Dreamcast, même si la Dreamcast est une très bonne console, c'est pas ça le souci. Mais pour moi, c'est la console avec laquelle je me suis plus éclaté. C'était la GameCube. Bienvenue. La GameCube avec Les Royaumes Perdus. Qui était un jeu d'aventure avec un jeu de cartes, etc. On manipulait une princesse. Et du coup, tu avais ton deck de cartes et les cartes permettaient de faire des attaques spécifiques, etc. Il y avait une idée de tactique, en fait. Il y avait donc Robotech Battlecry qui reprenait le même gameplay que dans Macross M3. Du coup, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce jeu. Il y avait eu un autre Robotech à l'époque, je crois que c'était soit sur Xbox, soit sur GameCube où il y avait les motos et tout, et j'ai trouvé que le gameplay était vraiment pas bien. Bon, forcément le Zelda Wind Waker, ça a été pour moi une révélation au niveau du gameplay. Je trouve que le Zelda à ce moment-là a changé de gameplay et ça a été vraiment une vraie amélioration. J'ai trouvé ça génial. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont craché à la figure à cause de son graphisme. Pour moi, c'est une erreur. C'était un très très bon jeu, l'un des meilleurs qu'il y a eu dans Zelda. Depuis, il y a plein de gens qui regrettent d'avoir dit ça. Hein. Je vais être franc. Il a vraiment laissé son empreinte sur. C'est évident. C'est peut-être même le plus important. Soul Calibur 2, bon, forcément. En plus, il y avait Link dedans, donc pourquoi pas. Voilà. Hein, voilà. Faut savoir qu'entre temps, plus tard, après, j'ai acheté la PlayStation 2 et que j'ai pris les autres Soul Calibur. Donc, du coup, j'ai la Soul Calibur 2 de la Xbox, de la PlayStation 2 et de la GameCube. Voilà, parce que je suis un fou. Pourquoi t'avais pris les deux versions, enfin les trois versions? Bah, parce qu'en fait, il y avait un personnage différent dans chaque version. Il y avait un personnage de Tekken sur celui de PlayStation 2 et il y avait Spawn sur celui d'Xbox. D'accord. Voilà. Parce que du coup, il y avait comment dire comment il s'appelle le dessinateur de Spawn c'était Todd McFarlane. Todd McFarlane, ouais, qui avait dessiné un des personnages à l'époque de Soul Calibur. Mario Kart Double Dash qui restera, comme on le disait la dernière fois, le meilleur Mario Kart qui franchement pas détrônable. C'est pas détrônable. Franchement, c'est pas possible. Rien à faire pour suivre. La possibilité de mélanger les techniques spéciales de deux personnages et tout. Enfin bref, j'ai trouvé ça super. Puis c'était celui qui était le plus difficile aussi. C'est pour ça que je l'aime bien. Oui, voilà, c'est ça. C'est il y a vraiment eu après moi j'ai eu l'impression d'avoir du repompage de Mario Kart et je m'amuse toujours sur un Mario Kart mais voilà, j'ai jamais retrouvé le même amusement que j'avais sur un Double Dash. Voilà. Après, on a forcément la Xbox 360, où il y a forcément la, comment on appelle ça, la saga, hein, la saga Gears, la saga Halo, forcément. La suite du monde. Voilà, la suite de Fable, la trilogie de Mass Effect. Même si la suite de Fable est moins bien faite, au final, au niveau histoire, j'ai envie de dire, quoique le 2 encore s'est allé. Ce que j'aimais bien, c'était le multiplayer qu'il y avait dans le multijoueur qu'il y avait dans le 3, que j'ai beaucoup apprécié. Même quand t'étais gentil, en fait, t'avais. Ouais, dans le 2, mais le 2 était moins bien fait. Oui, carrément. Dans le 3, était vraiment bien mieux fait. Et moi, ce que j'aimais pas, par contre, c'était dans le 3, quand il était gentil, en fait, il avait comme du maquillage sur le visage, je trouvais ça horrible. Mais vraiment le maquillage de prostituée, quoi, c'était vraiment horrible. Ouais, mais ça mettait un terme à l'histoire. La prophétie qui était annoncée dans le 1, en fait, arrivait au 3. À terme dans le 3. Ouais. Assassin's Creed, voilà, la saga Assassin's Creed qui reste pour moi. Voilà, c'est. À part le 3, on va dire, à partir du 3, ça commençait à partir un petit peu en sucette et je trouve qu'avec le Origins ils se sont superbement bien rattrapés et j'ai hâte de voir la suite. PlayStation 3 fatalement, moi faut savoir que moi j'ai une japonaise et j'ai la version qui ne se cramait pas, donc j'ai toujours en fait le vieux disque, je crois que c'est 40Go ou 80Go dedans. Donc c'est pas voilà, mais du coup j'ai dû changer le truc parce que j'avais tout en japonais et c'est une console que j'avais eu pour 100 euros seulement à l'époque, alors qu'elle se vendait d'occasion à 200 balles et très très très content. Tu m'étonnes. Voilà, et puis du coup forcément Uncharted, Last of Us forcément et White Knight Chronicle. Voilà, donc petit problème que j'avais avec le Uncharted 3, c'est que j'avais dû racheter une PlayStation 3 moins belle en fait. Je trouvais qu'elle était moins jolie, une slim, pour pouvoir jouer au 3 parce que problème de compression, ça ne passait pas sur ma console. Mais en toi. Ouais, et j'étais pas le seul dans ce cas-là. Voilà, donc c'est vrai que c'était un peu gênant. Et puis en fait, pour finir, hein, bien sûr, parce que j'avais les trois consoles de cette génération-là, j'avais la Wii aussi, avec forcément Xenoblade, le Kirby multijoueur où on pouvait jouer à 4, on absorbait ses potes pour leur piquer leur pouvoir, et puis il y avait un peu l'esprit du Mario, là où on pouvait jouer à 4 aussi, où tu pouvais sauter sur la tête de ton pote pour l'envoyer dans la lave et toi passer le ravin. Cet esprit un petit peu, j'ai envie de dire... j'ai envie d'emmerder mon pote. J'aimais beaucoup dans ce jeu-là, tout en avançant. Et c'est vrai que même pas. Voilà. Donc le Kirby, voilà, et forcément le Zelda Skyward Sword. Même si j'ai eu des soucis puisque chez moi c'était pas assez grand et il y avait un boss sur le scorpion. Comme je n'avais pas assez de recul, il a fallu que je me mette de profil à la radio, à la télé pour pouvoir le faire parce que je ne pouvais pas fendre. Et du coup je m'énervais dessus. Je disais mais je comprends pas, je fends. Et ça m'a saoulé. Voilà, ça m'a saoulé. T'as cassé combien de trucs avec ça? Alors, j'en ai cassé aucune. Quand je m'énerve de trop, en fait, j'arrête la console et je dis on verra ça plus tard. Ça sert à rien si j'estime qu'un jeu c'est fait pour se détendre, pour s'amuser. Si c'est pour s'énerver, ça sert à rien. On arrête, on fait autre chose. Et maintenant, je suis sur Xbox One et pour l'instant sur Xbox One, j'ai pas envie de dire qu'il y a des jeux qui m'ont. Il y a eu de très bons jeux sur Xbox One, mais je pense qu'il va falloir attendre un petit peu pour savoir lesquels m'ont vraiment le plus marqué. Il y a plein de jeux que j'ai oubliés. Hein. Il y a la saga des Batman, Arkham, la saga Arkham de Batman, qui est juste géniale, je trouve. Hein. Il y a eu plein de jeux comme ça. J'ai beaucoup aimé l'évolution des Sherlock Holmes, notamment le dernier The Devil's Daughter, qui est juste génial. J'adore les jeux d'enquête. Et je trouve que là, les jeux de Sherlock Holmes évoluent vraiment. En plus, il est totalement en français, c'est juste un régal. Franchement, je peux que vous conseiller. Après, je verrai pas trop comme ça. Faudrait que je me penche pour regarder. Non, mais bref, voilà. Pour l'instant, je suis sur Xbox One. Je compte prendre une PS4. Je compte prendre une Wii U parce que je suis pas du genre à. Wii U? J'étais pas un peu trompé. Une Switch. La Wii U, je n'en veux pas. Pardon. Et c'est vrai que, non, il y a des. D'ailleurs, je me demande si le Kirby, il n'était pas sur Wii U. J'ai un doute là, parce que mon frère avait une Wii U et c'était avec lui que je jouais. C'est possible. Au cas où, tout à l'heure, t'as dit Wii U, mais c'était pour la Wii. Voilà. Mais bref, c'est vrai que moi, je suis pas pro. Marque, en fait, grosso modo, je prends la marque avec le plus de collègues qu'il y a quand ça sort, et après j'achète les autres, tout simplement parce que y a d'autres jeux qui me plaisent, et il y a pas mal de jeux sur la PS4 qui m'intéressent, et pas mal sur la Switch, d'ailleurs plus sur la Switch que sur la PS4. Avec mon frère. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu mon parcours au final. Voilà. Toujours fan de vieux jeux, j'adore me refaire des vieux jeux, et j'ai particulièrement adoré le remake de Secret of Mana. Eh ben, tu sais quoi, on va se garder ça pour la deuxième partie, parce que là, on va faire une entraigue musicale, musique choisie par notre cher ami Ryo Doka. Donc, on va mettre The Travelers de Monsieur Kazuko du jeu White Knight Chronicles. Yeah. Revoici pour la deuxième partie de cette deuxième émission de Gamecast version remasterisée, toujours en compagnie de Ryodoka, yep, qui continue de nous parler de ses jeux préférés. Vas-y mon pote. Alors, clairement, pour commencer, le jeu qui m'a fait aimer vraiment les jeux d'aventure, plus que même Zelda, et pourtant je suis un grand fan de Zelda, c'était Secret of Mana. Secret of Mana, c'est le jeu que j'ai joué, rejoué, que je connais tellement par cœur, parce que je suis capable de dire qu'il faut un tour trois quarts pour lancer les sorts avec le nain et la fille devant le dragon mana pour éviter de se ramasser la rafale devant en pleine tête quand le combat au niveau final. Enfin, voilà, je connais tous les secrets par cœur, c'est le jeu, mais je me lasse pas de le faire et de le refaire. J'ai refait la version 3D. Je dirais que le seul défaut de ce jeu-là, c'est l'XP. Qu'est-ce que c'est long. Parce qu'à chaque fois, je vais faire toutes les armes à fond. Et tous les pouvoirs à fond aussi. Et du coup, voilà. Mais sinon, ouais, c'est un jeu. Le perfectionniste. Que... Ouais, voilà. Mais c'est un jeu que j'adore. J'adore vraiment, vraiment. Après, forcément, ça va être plutôt Zelda Ocarina of Time. C'est-à-dire que c'est le premier Zelda que j'ai acheté moi-même, que j'avais sur ma console, que c'était pas sur la console d'un ami. Et forcément, j'étais fan déjà de Zelda, hein, bien sûr. Mais c'est celui-ci avec l'histoire et tout où j'ai vraiment accroché. Mais vraiment pour la première fois. Je l'ai fini à 100%. Et à côté, j'ai fait aussi Majora's Mask à 100%. C'est vraiment les deux jeux Zelda, voilà, de la Nintendo 64 qui m'ont pour moi, surtout Ocarina of Time, hein, qui m'ont touché. Alors, il y en a d'autres qui m'ont touché, hein, comme je disais tout à l'heure avec les Zelda Wind Waker, etc. Dans la saga Zelda, mais c'est vrai que c'est comme beaucoup de personnes, hein, c'est celui-là qui m'a amené dans l'univers, j'ai envie de dire, de Zelda à 100%. Je comprends bien. C'est vrai que l'ouverture de la 3D dans un univers comme celui de Zelda, c'était quand même une sacrée avancée. Oui. Franchement, tu regardes en haut, en bas, il y a un truc caché à droite, à gauche, en profondeur. C'est génial pour les jeux comme ça, la 3D. C'est vraiment fait pour. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, tous les jeux n'ont pas réussi leur passage à la 3D. Hein, ou alors, ils ont réussi leur passage à la 3D. Et puis après, ils se sont écrasés. Voilà. Je pense à Sonic. Je sais pas pourquoi. Quel jeu déjà ? Ça n'existe plus. Il est en 2D, rappelle-toi. Oui, voilà. Maintenant, ils font des trucs 2D, 3D. Ah, regardez, on a innové. Je suis mauvaise langue. Oui, carrément. Je n'ai pas goûté, attention, pas de blague là-dessus, les gars. Après, donc le Zelda, franchement, qui m'a fait adorer. Je n'ai toujours pas joué encore au dernier, hein. J'attends de me prendre une Switch pour y jouer. Mais je pense que je vais le manger, ce jeu. Je vais le manger. Je vais mettre des heures, mais je vais le manger. Je te souhaite de l'avoir parce que moi je le trouve grandiose. Ah, mais je l'aurai, c'est même pas. Il n'y a même pas équivoque en fait là-dessus, c'est je l'aurai. Tu vendras une mémé que tu auras croisée pour avoir. Ah, mais je donnerai même mes chats, tu vois. C'est. Je veux dire, voilà, je vendrai mon frère, il n'y a pas de souci là-dessus, je n'aurai aucun scrupule. Évite-toi de dire que t'es l'émission, d'accord. Mais en fait, si je vends mon frère, ce serait un peu idiot parce que lui il l'a. Donc du coup, ce serait idiot, j'aurais jusqu'à récupérer le jeu. Ensuite, on a là le jeu de baston. Pour moi, mon jeu de baston préféré, c'est Soul Calibur. Je suis obligé de demander si t'en as un en particulier quand même. Alors, bizarrement, j'ai adoré le 4. Le 4, j'ai vraiment aimé parce qu'il y avait la création des personnages et tout, qu'il y avait aussi dans le 3, mais peut-être plus restreint dans le 4 parce que pour éviter les bugs, trop de bugs graphiques. mais on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait. Mais bizarrement, celui que je préfère, c'est le 2. Il y avait Talib dedans qui a disparu depuis. Et c'est vraiment celui où j'étais hyper à l'aise sur, parce que la manette GameCube, faut le dire, c'est pour moi la meilleure manette. Et pas que pour moi, apparemment. Je trouve qu'elle est, elle est faite pour ce jeu. Elle est faite pour ce jeu. Il y avait le gros bouton A, et en fonction des boutons, quand tu tournais ton pouce, t'avais les combinaisons différentes de base du jeu. Et du coup, ça faisait des trucs de malade. Et pour les coups spéciaux, t'avais juste appuyé sur le bouton Z. C'était, mais, c'était trop bon. Voilà. Comment il dit ça? Je veux dire, quand t'arrives et que tu prends Link et là, qui te balance une bombe en pleine tête, t'as juste appuyé sur Z. Voilà, bim. C'était génial. Et qui, bah, je trouvais que l'histoire était assez bien construite. Après le 3, j'ai trouvé qu'il s'était un petit peu perdu. Il y avait Zsa Lamel qui arrivait avec la renaissance de comment il s'appelle, Nightmare. Et c'est là qu'on a commencé aussi à voir la différence de combat qu'il y avait entre Nightmare et Siegfried. Et sachant que j'ai toujours préféré la manière de Siegfried à celle de Nightmare, personnellement. Mm-hmm. Vraiment, oui, voilà. J'ai des très bons souvenirs hein, du 2 notamment, hein, parce que voilà, on jouait hein, avec mon père et mon frère quand j'arrivais avec. Parce que oui, moi, je me déplaçais avec la GameCube. Quand, ah, ça servait la poignée. Elle m'a servi la poignée parce que, enfin, tu parles. Je l'ai mis dans une boîte. donc en fait non. Mais grosso modo, quand j'allais voilà une semaine chez mon père et tout, je ramenais la GameCube pour qu'on puisse jouer ensemble. Et à chaque fois qu'il y avait, comment elle s'appelle, cette la fille du pirate qui se bat au fouet, je ne sais plus le prénom. Ivy. Ivy, voilà. Quand il y avait Ivy qui passait et que mon père ne jouait pas, et ben en fait, il lui mettait la main devant nos yeux pour la laisser gagner. En disant, oui, mais pourquoi tu ne laisses pas gagner, Et le problème, c'est que quand tu connais bien le jeu, du coup, pas grave que tu aies les yeux bandés, tu arrives à buter quand même avec des systèmes de dire voilà tac je sais que boum si tu entres c'est bon là c'est bon tu continues les mouvements et tu sais que le personnage il pourra plus s'en sortir le bot ne pourra rien faire c'est clair surtout quand t'as Siegfried et ou comment il s'appelle le samouraï qui est le personnage Mitsurugi qui est le personnage anti-jeu pas à la perfection de Soul Calibur donc ouais donc très très bon souvenir de ce jeu voilà donc autant les jeux de famille et tout bah, j'aimais bien parce que voilà on se retrouvait dans le salon on jouait on s'éclatait quelque chose qui est un petit peu perdu aujourd'hui d'ailleurs l'esprit jouer ensemble dans la même salle à des jeux je crois qu'avec la Switch qu'on a vraiment encore ça et c'est vrai que c'est quelque chose quelque part qui me manque après ben c'est la saga Fable parce que ben comme je le disais dans le 1, on pouvait être soit gentil, soit méchant, et ça a joué sur notre physique, ça a joué sur plein de choses. Peut-être, petit regret, c'est pas parce que t'es méchant que tu dois forcément avoir une seule trogne. Voilà. Mais ce que j'ai aimé dans le 2, c'est que du coup, ils avaient fait des différences, et j'avais dû faire 4 ou 5 parties où j'avais réussi à avoir une trogne différente en fonction de mon affination. Je m'en rappelle même pas de ça, tu vois. En fait, tu pouvais être bon, mais aimer l'argent. Tu pouvais être mauvais mais pur. Quand t'étais mauvais et pur, t'étais pâle, t'avais les yeux, je crois, jaunes, un truc comme ça. Enfin bref, et t'avais les cheveux super noirs. Enfin bref, mais t'étais pas démoniaque. T'avais vraiment des apparences différentes. Et ça, j'avais trouvé ça super. Et puis surtout, moi, dans le 2, ce qui était génial, c'était que moi, je voulais acheter tout. Donc j'achetais toutes les maisons. Voilà, j'avais tout était à moi. C'était le maître du monde. Et en fait, il y avait un. Alors, au départ, je laissais tourner l'argent. Il n'y avait pas la même technique que dans le 1. Hein. Dans le 1, la vieille technique bien connue, hein. On achetait la maison de son enfance, par exemple, parce que c'était celle qui était le plus intéressant. Oui. On pétait la porte, comme c'était chez nous, il n'y avait aucun problème. On se faisait pas arrêter ou quoi que ce soit. Dedans, on allait mettre nos trophées. Les plus chers hein, de préférence, on revendait la maison, donc du coup plus cher puisqu'il y avait les trophées dedans, et on re-rentrait dans la baraque, on récupérait ces trophées, on ressortait et on rachetait la maison du coup sans les trophées, donc du coup beaucoup moins cher, et on faisait des plus-values comme ça. Et là, j'ai jamais pensé à faire ça. Bah, et on était pété de tout. Et ça, voilà, oui, c'est un truc que j'ai pensé tout seul. Je l'avoue. Non, ça ne m'étonne pas. Je suis cupide. c'est un truc, voilà. Mais n'empêche que ça permettait de débloquer pas mal de choses dans le jeu et de pouvoir acheter tous les terrains, etc. Enfin, toutes les maisons, etc. Et de plus avoir de soucis avec l'argent. Moi, c'était ma priorité dans ce genre de jeu. quand t'as plus de problème avec l'argent, tu peux acheter tout de suite ton armure de plate, tu peux tout de suite acheter tout ce qu'il faut. Sachant que j'étais quand même bon, mais j'arrivais quand même à avoir l'arc des ténèbres. Parce que tu avais deux armes, t'avais une arme bénéfique et tu avais une arme maléfique, et l'arme maléfique c'était un arc. Et du coup, il fallait sacrifier des personnes pour oui. l'obtenir. Et donc, du coup, bon, c'est pas grave, quoi. Après, j'ai été gentil, j'ai rattrapé, et puis du coup, j'ai. Et bon, dans le 1, ce que j'aimais pas, c'est que dès que t'étais méchant, en fait, du coup, t'étais pâle, t'avais les yeux noirs, lumineux, et t'avais des mouches qui te tournaient autour de la tête. T'avais les cornes aussi. Ouais, t'avais les cornes, ouais. Mm. Et quand t'étais gentil, t'avais le halo, les cheveux blancs et tout. Alors, pourquoi un mec qui a les cheveux blancs ne peut pas être maléfique? Je ne comprends pas. Ah, ça. Saruman nous a montré le contraire, j'ai envie de dire. Voilà, à un moment donné. Donc voilà, c'est vrai que c'est ça que peut-être que je peux reprocher à la saga Fable, mais le fait de la de pouvoir choisir quel alignement on avait, etc. J'ai trouvé ça vraiment génial, et le fait de manger des croustipoulets qui te rendaient méchant, ça c'était cool aussi. Alors les croustipoulets, pour savoir, hein, c'est des petits poussins, voilà. Et du coup, on les mangeait comme ça. Ouais. Ils ont un problème avec les poulets dans Fable, de toute façon. La bande-annonce du 3 avec le poulet était géniale. Ouais, était génial. Le moment où on croit que le poulet il est en train de voler, alors qu'en fait c'est juste l'élan. Non, franchement, génial de chez génial. Après, bon, j'aimerais parler de Halo parce que c'est un FPS qui m'a énormément touché. Gears, c'est pareil, c'est un TPS qui m'a énormément touché. Mais dans mon cœur, dans ces générations-là, dans cette génération, du coup, il y a. C'est Assassin's Creed qui m'a touché le plus, forcément. La partie avec. Même si elle était casse-couille parce que le gameplay n'était pas affiné, que oui, c'était à la base une add-on de Prince of Persia, qui a été au final devenu un véritable jeu. Du coup, ils ont carrément abandonné Prince of Persia, ouais. Ce qui est totalement dommage, en fait. Il y a des chances qu'on ne le revoie plus jamais. Hein. J'avais adoré le dernier Prince of Persia avec ce côté aquarelle et tout. J'avais trouvé ça génial. Je le vénère, sûr. Il est vraiment super. Et donc, du coup, bon, voilà. Assassin's Creed, j'avais adoré l'histoire. Plus le 2, comme beaucoup de personnes, hein, je sors pas forcément du lot, mais c'est vrai que le 2, l'histoire de la vengeance et tout, c'est là que le scénario était vraiment travaillé, l'histoire des doubles lames et tout. On a perdu un petit peu avec le 3, forcément. Le 4 a commencé à faire revenir un petit peu parce qu'il y avait les bateaux, mais bon, voilà, sans plus. Le Rogue était sympa, mais bon, c'était pour moi un Black Flag bis. Le Unity, l'histoire était sympa, mais le gameplay était bon. Même s'il y avait du renouveau, c'était bien pour l'époque, mais aujourd'hui revenir dessus, c'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est pas possible après avoir joué à Origins. Syndicate était beaucoup plus sympa, même si l'histoire était un peu moins folichonne, je trouve, que le Unity. Mais peut-être parce que ça me touchait moins, tout simplement. C'était la Révolution française. Et puis surtout, ils ont exploité la Révolution française comme elle devait être exploitée. C'est-à-dire, pas forcément comme un jour de liberté. Ils montraient vraiment les manipulations de la bourgeoisie de l'époque, etc. Donc c'est vrai que c'était vraiment intéressant. Le Syndicate, par contre, niveau gameplay, était beaucoup mieux. Voilà, le grappin aidant énormément. C'est un jeu qui, à chaque fois que. Alors, je l'ai refait deux fois, ce jeu-là, et. Ah, quand même. Ouais, je rejoue souvent, en fait, aux vieux Assassin's Creed. D'accord. Et, y compris le premier. Et c'est vrai que. Ben, le Syndicate, là, j'ai refait récemment, après Origins en plus, et j'ai trouvé que le gameplay était bien resté, et que c'est hyper agréable. Il est hyper agréable comme jeu, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Au niveau infiltration et tout. Moi, quand j'arrive dans une petite base et que j'arrive à les tuer tous un par un sans me faire repérer, je prends mon pied. Voilà. C'est pour ça, en plus. Voilà, c'est ça. Le Origins, pour moi, reste maintenant un exemple. J'ai hâte de voir le Odyssey pour voir ce que ça va donner. Mais le Origins. On en parlera, ça, c'est sûr. Ah oui, ça, c'est certain. Disons que, après le Syndicate, je commençais à en avoir un petit peu marre parce que c'était un petit peu la même chose. Ils en sortaient un tous les ans et c'était pas. On voyait qu'il y avait moins de travail au final. On voyait bien, de toute façon, ils pouvaient pas, les gars. Or là, l'Origins, ils ont passé 2 ans dessus. Et du coup, ça se voit. Ça se voit clairement. Il y a vraiment un travail dessus au niveau du scénario et tout. Au départ, je pensais encore à une histoire de vengeance. Je me dis, c'est un peu dommage. Et une fois qu'on a passé un peu cette partie vengeance, en fait, tout décolle. Et là, on kiffe. Et comme je sais que le Odyssée a commencé au même moment. Que le Origins, Il a eu donc un an de plus et a pu pallier les petits soucis qu'il y avait éventuellement. Sachant que moi, j'ai pas eu trop de problèmes à part une fois sur ce jeu. Où il a fallu que j'attende que, ben, je sais pas pourquoi, mais le PNJ continue à discuter. Il était bloqué à cause de soldats et puis bon, ben, il a mis juste une minute à repartir. Je me suis dit que la quête était foutue. tout simplement. Mais non. Et l'Odyssée, on voit qu'il y a une belle évolution. Une évolution qui a été pour moi un peu qui me fait rappeler à mon dernier jeu qui, je dirais, m'a vraiment touché. C'est Mass Effect. Ah. Mass Effect, la trilogie. La trilogie. Alors, le dernier, j'ai beaucoup aimé aussi. Hein. Je vois que c'est le début d'une histoire, donc j'apprécie énormément. Mais alors, la trilogie, il faut savoir que Mass Effect, je n'ai pas pu l'acheter tout de suite. Et d'accord. On m'avait offert le premier jeu, et j'étais bloqué. Et la première fois, je m'étais perdu dans la citadelle, et j'étais en train de me dire, mais merde, j'arrive pas à voir, et tout. Enfin, bref, c'était un peu la mouise. Et puis, du coup, j'ai un peu lâché le jeu. Puis à un moment donné, je dis ouais, c'est quand même bête d'avoir ce jeu, de ne pas pouvoir y jouer. Je vais recommencer depuis le début. Je vais bien relire parce qu'à l'époque, bah du coup, j'avais pas encore mes lunettes et du coup, bah il y avait des trucs que j'avais du mal à lire à ce moment-là. Et quand je m'y suis remis, du coup, j'avais les lunettes et là, du coup, j'ai vu tout le truc. Là, c'est venu tout seul en fait, tout simplement. Même si le gameplay était pas folichon pour le premier, ça a bien évolué par la suite. Et c'est le seul jeu sur lequel je me suis endormi. D'accord, voilà. Quand même. Ouais. Ah bon ? Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, les trois étaient sortis. Et les trois étaient sortis et j'étais pris totalement dans l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si j'avais pu regarder, enfin, si j'avais pu faire Mass Effect. Ben, c'est en fait, j'ai fait Mass Effect du 1 au 3 d'une tirée. En fait, pas d'une tirée. Je me suis dormi entre temps. J'étais tellement pris dans le scénario et tout que je voulais voir la suite. Entre-temps, quoi. Hein ? T'as juste dormi entre temps. Et mangé un minimum quand même, quoi. Ah, quand même ? Ah oui, quand même. Ah oui, ça t'a des snacks, quoi. Des snacks. T'as passé combien d'heures par jour à faire le du 1 ou 3 ? Ça devait être fou. Je sais pas, j'ai dû mettre une semaine pour faire les 3. Oh, mais là, je me et j'ai fait tout, hein. J'ai tout fait. Ah, mais je les adore. Je vais être franc, j'aurais aimé faire ça. Alors là, je te jalouse aussi. Le fait d'avoir fait le 1, d'avoir dû attendre le 2 et après d'avoir dû attendre le 3, c'est horrible. Moi, j'ai fini le 2, il était 9h du soir, je ne pouvais pas aller acheter le 3. Du coup, il a fallu que j'attende le lendemain matin, mais à l'ouverture du magasin, j'étais là pour attendre pour aller acheter le 3. Avec des yeux rouges de sang. Mais voilà, mais explosé. Complètement claqué. Et je me suis endormi sur le 2. Sur le 2, en fait, je me réveille. Je dis, oh merde, il est tellement vraiment pris dans l'histoire. Et je vois Shepard qui est en train de tirer vers le. Enfin, qui vise vers le haut. Je dis, merde, hein, c'est con quand même. Putain, je me suis endormi. Et plutôt que dire, bon, bah c'est pas grave, j'éteins la console, je vais me coucher. Bon, là, je finis la mission quand même. Voilà. Mais ouais, c'est la seule fois, parce que d'habitude, je marque toujours avant. Voilà, je m'arrête assez tôt, je joue genre une heure ou deux. Et j'arrête. Mais c'est vrai que Mass Effect, comme Assassin's Creed, c'est des jeux. Ça me prend. Le scénario me prend tellement au trip que je veux voir la suite. Et c'est des jeux qui sont extrêmement dangereux pour moi. Ah, j'avoue que les Mass Effect, ça m'a fait cet effet-là aussi. Hein. C'est génial. Et quand le dernier est sorti, là, je ne sais plus son nom. Mass Effect 3 ? Non, 4. Le 4. Ah, le 4, Andromeda. Andromeda, merci. Eh ben, le Andromeda, oui, alors, on dit oui, mais l'histoire, elle vaut pas l'histoire de la première trilogie. Bah oui, c'est parce qu'on a le souvenir du 3. Et où tout commençait à partir dans tous les sens. Enfin, voilà, c'était et puis c'était du épique. Alors forcément, on a ces souvenirs-là. Donc forcément, on va pas avoir du épique dès le premier de la. Il faut se mettre au niveau du premier Mass Effect. Bah, le problème, c'est que ce jeu-là a subi beaucoup de critiques, alors que c'est un jeu d'installation, comme Exactement. Le premier Mass Effect. Exactement. On lui a pas laissé une seule chance. Alors moi aussi, je l'avais acheté, et je l'ai pas fini parce qu'on m'a gavé avec. J'ai pas aimé le jeu, franchement. C'est que je me suis arrêté un jour, j'y jouais vraiment, j'étais vraiment content du jeu pour l'instant. Un jour j'ai arrêté et j'ai pas arrêté d'entendre les gens le critiquer, ça m'a gavé, j'ai pas réussi à m'y remettre. Et je l'ai viré. C'est con, hein, je sais, mais. Je l'ai fini à 100% ce jeu-là. Mais 100% de chez 100%. Et c'est vrai que c'est un jeu, voilà, quand tu vois toutes les petites quêtes, toutes les petites histoires à côté, etc., voir un personnage avoir la voix d'Alexandre Astier en plein milieu, j'étais trop content. mais c'est vrai que voilà, Andromeda, j'ai vraiment hâte à la suite parce qu'il y aura une suite hein, de toute façon. On n'en sait rien. Il travaille sur un nouveau. Mais ils ont pas dit que c'était la suite. Bah, vu la fin d'Andromeda, vaut mieux qu'il y ait une suite. Parce que sinon, je vais crier. Moi, je vais aller là-bas, hein, je vais voir le responsable, hein, et je lui mets la tête sur le clavier jusqu'à qu'il commence à encoder. voilà. Tu veux la suite ? Tu vas voir des nouveaux personnages, ils vont parler d'une ancienne expédition il y a plusieurs siècles, et qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Oh, j'en sais rien. Et voilà, fin. Non, mais voilà, non, c'est vrai qu'il y a encore quelques questions qui se posent en fait à la fin de Andromeda. Et oui, bah, hâte de voir. Mais je pense que ce sera la suite. C'est juste que. Voilà, ils ont. Bah, le problème, je pense que le principal problème du jeu, en fait, c'était les visages inexpressifs. Voilà. Mais en même temps, il y en avait tellement. Moi, ça m'a pas choqué outre mesure. Parce que, moi non plus. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de bruit pour pas grand chose. Hein. Je pense à Xenoblade 2, où on nous a dit ouais, c'est pas normal, il y a une grossesse qui a une grosse paire de Nibar, vas-y, c'est pervers et tout. Ah, excusez-nous de faire des caractères différents, j'ai envie de dire. Je dirais, il y en a une, et en plus, elle est pas habillée de façon obscène ou quoi que ce soit, c'est n'importe quoi. Je dirais, enfin, moi, je trouve pas personnellement, quoi. Ça c'est un autre sujet, tu me diras. Ouais non mais aujourd'hui on gueule sur tout et rien. On pourra faire une émission là-dessus. Par contre moi ça m'intéresse bien de faire un truc sur. C'est comme les pour les sujets qui commencent à gaver parce qu'il y en a qui vont un peu trop loin là-dedans. Oui tout à fait. C'est comme pour l'Assassin's Creed. En fait ils sont en train de gueuler parce que ben du coup dans l'Origins ils ont fait un truc historique avec comme un musée en fait tu te balades dans le jeu et puis tu as les documents. Quelle bonne idée. Et du coup ils faire depuis le premier limite quoi. On les critique pour deux choses. L'une, c'est parce qu'ils ont mis des coquillages sur les statues grecques et on leur dit « Ah, mais c'est l'histoire et tout. » Ouais, mais vu que vous gueulez, dès qu'il y a une gonzesse qui a des gros nibards, je peux un peu comprendre pourquoi ils l'ont fait. Si je pardonne pas, réponse, mais... Pardonne pas, mais voilà, eux, ils ont dit « Bah oui, mais nous, on voulait que... Bah, » On sait très bien qu'il y a des enfants qui joueront dessus, même si c'est Peggy 18, donc on voulait. Voilà, juste... voilà. Et un autre moment aussi, c'est que les cours. Alors moi, je comprends pourquoi, parce qu'en fait, ils n'avaient pas envie de se ramasser un coup de râteau sur la tête. Ah, il y a des femmes nues et tout, patati patata. Hein, ça aurait été l'un, ou l'autre, dans tous les cas. Ouais, mais au démarrage du jeu, il y avait des femmes avec des seins d'ailleurs. Je te jure. Ouais. Et ils ont ça a disparu. Alors attention, c'est pas parce que ça me gêne. Ouais. Ok, on me traite d'obsédé, mais non, mais c'était comme ça à l'époque. Donc pour moi, c'est logique de laisser. Oui, voilà, bien sûr. Mais moi aussi, mais je comprends. Moi, ça ne me dérange pas. Je comprends pourquoi ils l'ont fait, en fait. Voilà. Je comprends. Moi, si leur réponse c'est on en a marre de se prendre des critiques quand on fait des trucs comme ça, bah, s'ils ont voulu éviter qu'on leur tape sur la gueule, oui, je comprends pourquoi ils ont fait ça. Mais c'est totalement pour ça. Mais c'est totalement pour ça. Et un autre moment aussi, parce qu'en fait, on dit, donc ils montrent l'école à l'époque de l'Égypte. Et du coup, il y a des garçons et des filles. Ils disent, bon, voilà, à l'époque, il n'y avait que des garçons. Qui allait à l'école, mais le studio a préféré mettre dans le jeu des garçons et des filles. Voilà, c'est précisé, et donc du coup, ça a été dit voilà, c'est pas historique, patati patata. Bon, je comprends aussi pourquoi ils ont mis des garçons et des filles. Je comprends parfaitement. Je comprends aussi, par contre, mais c'est vrai que moi, personnellement, j'aurais pas fait, mais je suis pour ce qu'ils ont fait là, par contre. Ouais, voilà, c'est encore une fois, tu vois, ils essayent d'être. Juste ils ont le cul entre deux chaises, tu veux dire. Ouais, voilà, c'est ça. Et à un moment donné, il faut faire un choix. Et c'est soit le martinet, soit le fouet. Tu sais pas. À un moment donné, tu fais un choix. Bon, c'est le bon, c'est pas le bon. Voilà, au moins, tu fais un choix, quoi. Je dis pas que moi je suis d'accord avec cet état de fait. Hein. Au contraire, moi j'aurais préféré que ça reste historique. Voilà, pareil, que ça colle. Maintenant, quand ils te montrent les documents, c'est des photos, c'est des. Quand tu fais la visite, t'as des documents qui sont montrés à côté et tout. Ceux-là, ils ont pas été falsifiés ou quoi que ce soit, tu vois. Et puis surtout, ils font la précision à chaque fois. Tu veux dire que ça rattrape ça rattrape les retouches qu'ils se sont sentis obligés de faire. Oui, voilà, c'est ça. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. J'ai vraiment, il y avait plein de choses que je ne savais pas et moi qui suis vraiment qui m'intéresse vraiment à l'histoire de l'Égypte antique, moi j'ai trouvé ça génial. Vraiment. Moi j'ai commencé à le faire, moi j'adore. Ouais. J'adore. C'est net. Et en plus c'est gratuit, ils ont fait gratuitement le truc quoi. Mais ils ont eu raison parce que quand on voit qu'on utilise Unity pour montrer comment c'était la révolution, etc., Paris à l'époque, etc. et parce qu'ils font des reproductions tellement fidèles maintenant que ça montre, ça au moins ça permet à l'imaginaire d'un enfant de voir ce que c'était. Je dis oui, c'est vrai, un jeu peut être aussi éducatif, un jeu peut être aussi une œuvre d'art. Il ne faut pas se limiter à dire que c'est juste un loisir. C'est un loisir, c'est vrai, mais pas que. Ça peut être plus aussi. Il y a plein de choses derrière le jeu vidéo, il faut bien comprendre ça. Dire, y a plein de... Et puis il y a surtout plein de références aussi. Et pas forcément vidéoludiques. Hein. Ça peut être littéraire, etc. Enfin bref, c'est... Et on en voit beaucoup dans Assassin's Creed, Mass Effect, etc. Donc c'est vraiment des jeux. C'est ça, c'est les jeux qui me tiennent à cœur. Ça se sent là. Je kiffe. Tu t'es laissé emporter. c'est l'émotion, c'est l'amour du jeu vidéo. C'était bien lyrique. donc du coup mes jeux. Ah, tu t'arrêteras donc à Assassin's Creed. T'as gardé le meilleur pour la fin. Et Mass Effect, les deux meilleurs pour la fin. Ok. Un autre petit mot, mon ami. Un dernier mot. Oh, écoute, pas grand-chose. Hein. Bonne chance pour toi dans l'émission. C'est gentil, je te remercie. Dans ce cas-là, on va s'arrêter. On va vous mettre une petite et dernière musique choisie par notre ami. Ce sera la famille Ezio par Jesper Kidd de Assassin's Creed 2. Voilà. Et sur ces bonnes paroles, moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Matanée.